cette soirée, où Valérie voulait réussir, elle se posa trois mouches. Elle s'était fait peigner avec une eau qui changea pour quelques jours ses cheveux blonds en cheveux cendrés. Madame Steinbock étant d'un blond ardent, elle voulut ne lui ressembler en rien. Cette couleur nouvelle donna quelque chose de piquant et d'étrange à Valérie, qui préoccupa ses fidèles à tel point que Montès lui dit « Qu'avez-vous donc ce soir ?» Puis elle se mit un collier de velours noir assez large qui fit ressortir la blancheur de sa poitrine. La troisième mouche pouvait se comparer à l'ex-assassine de nos grands-mères. Valérie se planta le plus joli bouton de rose au milieu de son corsage, en haut du busc, dans le creux le plus mignon. C'était à faire baisser les regards de tous les hommes au-dessous de 30 ans. « Je suis à croquer !» se dit-elle en repassant ses attitudes dans la glace, absolument comme une danseuse fait ses pliés. Lisbeth était allée à la halle, et le dîner devait être un de ces dîners super fins que Mathurine cuisinait pour son évêque quand il traînait le prélat du diocèse voisin. Steedman, Claude Vignon et le comte Steinbock arrivèrent presque à la fois vers 6 heures. Une femme vulgaire ou naturelle, si vous voulez, serait accourue au nom de l'être si ardemment désiré. Mais Valérie, qui depuis 5 heures attendait dans sa chambre, laissa ses 3 convives ensemble, certaine d'être l'objet de leur conversation ou de leurs pensées secrètes.